vous êtes assez fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE d'IQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On ajoutera de la malbouffe parce qu'il reste de la place après les fêtes dans une grosse pointe tendresse. Et Tania multipliera le plaisir dans sa chronique Tania is gonna entertain ya. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 7 janvier 2016, 110 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, ça va? Ça va bien. J'ai comme l'impression que j'ai le rhume ce matin. T'as le rhume? Ben, je me demande bien que c'est que m'a donné ça. Ben non, c'est une sinusite que j'ai, y'a rien là. Ah, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Ce que j'aime, ce que j'apprécie en m'en venant, moi et ma sinusite. C'est qu'il fait pas très froid ce matin. Il fait pas trop froid. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont pas installé les tapis encore aux entrées. C'est vrai, hein? Tu traînes la boîte. Est-ce que t'as failli tomber? Ouais. C'est clair. Ouais, non, je suis d'accord, c'est très glissant à l'entrée. Ouais. Hein? Et comme vous l'avez entendu, ben, les chiens me couraient après. Ouais, pourquoi? Je sais pas. On accueille 2016 avec une autre de nos nouveautés épiques. C'est notre chanson thème par Vanessa Parietta, remaniée par aujourd'hui les résidus plasmiques. Et soyez à l'écoute pendant tout le mois de janvier pour plusieurs autres nouveautés épiques. C'est pas les seules chansons thème. On avait une hier de Renard Frac. Aujourd'hui, des résidus plasmiques. Il en reste encore plein d'autres. Ça sent bien. Oui, oui, oui, parce qu'on l'a dit hier, le mois de janvier, c'est un mois spécial. Oui, c'est un mois épique. On avait ça. Uh-huh. Hashtag janvier épique. À date, là, sur janvier Facebook, épique. Tout le monde en parle. Il y a comme 6 posts. Tout le monde qui les a fait. Mais tout le monde en parle. Mais oui. C'est ça. Ouais. On aime ça. Bref, aujourd'hui à l'émission, Tania, t'es prête pour le plan d'aujourd'hui? Oui, je suis prête. En fait, on est les deux seuls chroniqueurs aujourd'hui. Ouais, je sais. C'est vrai. Mais, on a une invitée spéciale qui s'en vient tantôt. Voilà. On va parler avec Pénélope Bergeron-Lavallée du Carrefour Jeunesse-Emploi de Shawinigan. C'est tout à l'heure à 8h environ. On a aussi nos chroniques, la sienne pour commencer. Tania, est-ce que tu Tania? Qu'est-ce qui s'en vient? Je vous parle d'émission, du moins de passion peut-être. C'est une émission par rapport à la passion et c'est une émission qu'on voit... Je veux comme pas trop en dire, parce que j'ai l'impression que si je dis quelque chose, je vais vendre le punch, mais ça va parler d'une émission culinaire. Oh! Voilà. Oh, okay. Je vais juste y aller comme ça. J'en ai pas, là. Sont rares, ces émissions-là, je trouve. On va aussi faire une grosse pointe en dresse, notre classique du jeudi. On va parler de fast-food et goûter à quelque chose. Je t'avoue, quelque chose qui se tartine bien. Qui se tartine ça bien. Ça se tartine. Oh. J'ai comme, en autant que ce soit pas des sardines, moi ça me va. Parce que quand je parle à quelque chose, si ça rime avec autre chose, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est ça, c'est de ça. Toute façon. C'est l'émission d'aujourd'hui, en gros, on a plein de choses autour de ça. Donc, soyez à l'écoute jusqu'à 9h30, mais on va débuter en force avec la musique. Ben oui, parce qu'on force. A tous les deux des problèmes dans le corps. Des narines, surtout. Des bactéries. Oui, exact. On aimerait ça pouvoir se botter nous-mêmes pour se débarrasser de ces microbes-là. Donc, voici 4 Kicks par Metric. 89 FM. Aïe! Thank you. Magic et Four Kicks à Assemblage Requis. Oui, tous avant qu'on commence la chronique. Je me forçais à pas tousser fort en plus. On appelle ça de la compassion. C'est comme les Sympathy Pains. Quand ta femme est enceinte, mettons, là, le gars commence à avoir mal au ventre. Je sais pas trop quoi. Oui. C'est pareil, mais. Il fait les cours prénataux, lui aussi. C'est ça, mais on n'a pas accouché ensemble. J'espère pas. Ça serait bizarre. C'est sexiste, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet. C'est le temps d'y retourner. C'est ça, on ne fait pas juste acheter des pastilles en grosse quantité. Ou des Kleenex. Des Kleenex, c'est ça. Une chance qu'on n'a pas besoin d'acheter ça sur Internet. Une chance que je ne suis pas assez fancy, parce que tu sais comment j'ai des goûts de fancy? Oui. J'achète tout le temps des produits en les magasinant vraiment très très longtemps. Je suis vraiment un magasineur compulsif. Ouais, mais je te dirais que tu fais ça surtout sur les gadgets. Gadgets, c'est ça. Je suis pas sûr que tu prennes une demi-heure pour prendre ta boîte de Kleenex chez Walmart. Là. Absolument pas, mais je sais que c'est important. J'ai besoin de mon 3 épaisseurs. Ok, oui. Ah, ouais, 3 épaisseurs pour être certain que ton nez fait pas de petite peau. C'est pas pour ça, hein. C'est un peu dégueu, dis-le même. Ouais, en le disant, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure idée. C'est pas mon nez qui fait des peaux, c'est le client qui fait trop mince. C'est ça, exactement. Mais okay. Mets le blâme à la bonne place. Oui, promis. Comme dans la vraie vie. Non, c'est ça, 3 épaisseurs. Bref, c'est pas de ça qu'on va parler. Hein. Non? Non, on va commencer par mieux dormir. Ah, ça, c'est le fun. C'est ça, quand on a le rhume, des fois, on a besoin de dormir, et des fois, quand on est au bureau, ben on n'a pas de lit, on n'est pas comme notre directeur général qui a un divan dans son bureau. Ouais. On devrait tous aller faire des siestes dans le bureau à JP. C'est ça. Qui, à cette heure-ci, devrait nous écouter dans sa douche. Ça, là, c'est un maudit bon point, parce que, ouais, pour vrai, nous a dit ça hier. Jean-Philippe Charbonneau nous écoute dans sa douche. On devrait faire une pub avec ça. Définitif. Fidèle collègue de vos besoins de toilette et... On est là pour vous chaque matin, même dans la douche. On vous tire les cheveux pour vous venir dans la toilette. JP, oublie pas la petite mousse, là. Derrière les oreilles, c'est bien important. Et voilà. Frotte, frotte, frotte. Donc, c'est le... Fais-moi pas rire dans la main, mais tu fais... Ouais, je suis désolée. Donc, c'est le Wrap Nap Travel Pillow. Mais ça, c'est génial. Même dans un avion, ça doit être tellement pratique. C'est vraiment... C'est super efficace. On a déjà parlé de gadgets pour dormir où on devait s'insérer les bras dedans, passer dans des trous. Compliqué, tout ça. Hein? Non, là, c'est juste un bandeau que tu te sers autour des oreilles après les avoir lavés, hein, Jean-Philippe. donc, ton petit bandeau avec un velcro va tenir autour de tes oreilles, mais il va continuer sur tes yeux et à l'arrière. Et c'est vraiment épais et coussiné. On le voit en gris ici. Donc, Wrap and Up Travel Pillow. Pour évidemment, comme tu l'as dit, les avions, ça bloque la vue, bien sûr, oui. Complètement. Et ça bloque le son aussi, nous dit-on. Ah, donc, ça c'est fun. Pour seulement t'entends pas les hélices d'avion. Les hélices d'hélicoptère, je te dirais. Ben là, allô, un avion a des hélices. Ouais, mais tu sais, ouais, je crois, oui, il y a des hélices. Ouais, mais bon. C'est pas le gros bruit du... Non, mais quand t'es dans un avion, t'as l'impression de tout entendre plus fort de toute façon. C'est ça. 20$! Je trouve que le prix est très raisonnable pour pouvoir dormir n'importe où, n'importe quand. C'est environ 10$ par oreille, ça. Sauf que ça doit être très, très déplaisant lorsque tu es une fille et déjà maquillée. On peut pas tout avoir, ça. Puis tu mettras ton maquillage sur ton bandeau, comme ça va te dessiner les yeux en avant sur tes cœurs. Colle-toi des faux yeux. Des Google Eyes. Ouais, c'est ça. Ah, okay. Mathieu va s'étouffer. Ça va être une panique délicieuse. Après ça, on se demandera pas pourquoi j'ai pas animé le Mathieu Plancho hier. Donc, prenez des notes ensuite et faites du brainstorm sans gaspiller du papier. Oh. Dany Janvier, tu connais ça? Ben oui. Cette chose. C'est très humain. Tu connais ça? Donc, il est venu m'emprunter du papier hier dans mon bac à recyclage. J'étais comme, man, t'es pas en 2016 encore pour acheter le Dry Erase Whiteboard Notebook. C'est un carnet, un cahier, mais les pages sont en papier comme un tableau blanc. Ah, ouais? Ah, ouais. Donc, tu peux dessiner dessus et l'effacer. C'est 25 feuilles réutilisables, eco-friendly, comme on appelle. Pour 40$. J'avoue que c'est intelligent. Vraiment. Tu utilises ça avec le même style de crayon qu'avec un tableau, là. C'est Dry Erase, donc les crayons qui sont marqués Dry Erase dessus. Ouais, c'est ça. Pareil comme les tableaux blancs. Mais est-ce que ça a vraiment l'épaisseur d'une feuille de papier? C'est mince, mais un petit peu plus épais que du papier normal, si je comprends bien le tout. Il y a une petite vidéo pour montrer comment ça fonctionne. Ouais, mais, c'est ça. Le gars, il parle comme pendant 45 secondes, puis il y a seulement 10 secondes de démonstration. C'est une vidéo Kickstarter. Hein, c'est ce qu'on fait sur Kickstarter. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée. Ensuite, on mange un peu dans cette chronique-ci aussi, pas juste dans une grosse pointe d'adresse. C'est une barre Toblerone gigantesque. Oh my God, mais c'est plus que gigantesque. Est-ce que tu as vu à quel prix ils vendent ça? franchement. Tania, garde ça pour la fin, le punch. Ben oui, voyons donc. Hey. Donc, une grosse barre de Toblerone dans laquelle tu peux vraiment mordre à pleines dents et la tenir avec tes deux bras comme un gigantesque bébé. Ou sinon, même quasiment un adulte. D'après moi, ça ressemble quasiment à la hauteur. Tu mets ça, ouais, c'est ça, tu mets ça vertical, là, c'est de la même grandeur que moi, c'est sûr. Que toi, probablement plus que moi, ouais, c'est ça. Oui, ça, j'en doute pas. Donc, c'est la plus grosse Toblerone en production, donc c'est vraiment un produit Toblerone en tant que tel, c'est pas une imitation, c'est pas Tableran ou peu importe. Là. Ça fond autant que le vrai chocolat, c'est du chocolat au lait. Il y a plusieurs grandeurs de disponibles. Celle-ci pèse 4,5 kg, mesure... Celle-là, c'est 80 cm pour 142,54, mais c'est que t'as vu la grosse grandeur nature est à 324$. Hey, hein? Faut que t'aimes ça, le chocolat, là. La dent sucrée, mettons, hein? Hey, t'imagines te faire une fondue au chocolat avec ça? T'as besoin juste de la moitié d'un morceau. C'est drôle comment je vois pas que c'est marqué shipping gratuit. Fait que d'après moi, c'est pas... en plus! Non. On va parler shipping gratuit. C'est pas gratuit. Tu sais, on commence souvent des phrases dans cette chronique-ci par... tu sais ce qui est intelligent en vie? Oui. Montre intelligente, collier intelligent, bague intelligente. Mais là, une corde à danser. Ah. Intelligente. OK. Qui dit, ça dit dans l'article, « Makes jumping rope fun again ». Wouhou! Oui, parce que c'était pas amusant. On s'emmerdait à danser, à corde à danser, t'sais. Moi, ce qui m'emmerde, c'est aussi qu'à la corde. Ouais, c'est ça. Ouais. Faire du saut à la corde, à un certain moment, t'es comme, bof. C'est pas tant plaisant. C'est ça. T'as fait le tour assez rapidement. Ton effet sonore était magnifique. Donc, bon, smart. Tout ça. Smart rope avec 23 lumières LED dans la corde qui vont s'afficher dans les airs. Ça va afficher en fait le nombre de sauts que tu as fait. Ah, ça c'est cool. Comprends-tu? Donc, la lumière tourne et ça dessine le nombre de sauts que tu as fait. Et il y a des futures mises à jour qui vont vous permettre de sélectionner des modes dans l'application pour montrer le nombre de calories brûlées. OK. Des trucs comme ça. C'est équipé de sensors magnétiques qui vont détecter chaque révolution de la corde. Et il y a des ball bearings. Tu sais, comment je connais ça, comme des chaises, des bearings. Ouais, ouais. Hein? Qui va s'assurer que la corde va tourner doucement, j'imagine, dans son embout, là, tu sais, pour que la corde tient la poignée, si on veut. Bref, ça tourne naturellement. 2 heures de charge par fil micro USB qui n'est pas inclus. Ah, hein? Oh, ben oui, évidemment. Tu sais, 36 heures d'activité, c'est plus d'un mois si vous faites 1 heure par jour d'entraînement. La poignée est disponible en chrome, doré ou noir. On peut aussi avoir des soft grips faits de silicone qui viennent en 5 couleurs, bleu, vert, rose, orange et neutre. J'aimerais vraiment qu'on discute de la couleur neutre quand on aura fini ta parole. Aussi, mais 1 heure de corde à danser, hey, hein? C'est long, longtemps. Alors, viens-en. À moins d'être un boxeur professionnel. Hey, je pense qu'ils font même pas ça, 1 heure de corde à danser. Ouais, j'avoue qu'il aurait dû y aller avec quelque chose d'un petit peu plus raisonnable, mettons, par demi-heure, par 15 minutes. Mettons, là. Si tu leur affaire, ça aurait donné encore plus de jours, ça aurait été encore plus impressionnant. Ils sont pas très marketés. Mais c'est intelligent, c'est comme les montres qui calculent le nombre de pas que tu fais dans une journée. C'est ça, d'où la phrase qui commençait par « c'est tout ce qui est intelligent » en 2016, c'est ça. Ouais. Mais selon toi, c'est quoi neutre? Ça doit être comme transparent. Ah, c'est un bon point peut-être, ça. Je sais comme pas. Ouais. Smart Rope peut être utilisé indépendamment sans être connecté à un téléphone, mais ça fonctionne par Bluetooth. Il y a une application Smart Gym sur iOS et Android qui va vous donner le nombre de sauts complétés, le nombre de calories brûlées. Par contre, pas votre cœur. Donc, les calories, c'est approximatif parce qu'ils n'ont pas le battement de ton cœur et tout ça. OK. Durée d'exercice, etc. Elle est donnée pour l'année, le mois ou la semaine. La corde n'est pas ajustable, mais il y a 5 longueurs. Allez voir sur assemblagerequis.com. Ça se vend 90$ chez Tangram. T-A-N-G-R-A-M factory.com. Mais ça vient avec une petite pochette de transport. Ah, c'est cute. Mais pas avec le câble USB. Non, hey, tu sais, ben c'est ça. Bon point. Ça leur aurait coûté 50 cents de plus. C'est bravo. C'est tout ce qui est intelligent en 2016. Non, je dis même pas. Des montres, des bagues, des cordes à danser. Tania, je sais pas si c'est ça qui avait ça. Il y a aussi un verre. Un verre? Qui va tromper ton cerveau. C'est pour vivre plus en santé, en buvant plus d'eau et non pas des jus sucrés. Okay. C'est un design, d'accord, de verre qui va faire penser à ta tête que tu bois du sucré, alors que dans le fond tu vas goûter le sucré, tu vas sentir le sucré, l'arôme, mais ça va être de l'eau. C'est le verre qui t'envoie la saveur dans ton cerveau. Pas pire, là. OK. C'est intelligent. Ben oui, c'est très intelligent. Je suis comme en train d'essayer de regarder le mini vidéo puis. Ah ben tu sais les vidéos. Hein. C'est pas très concluant. Combien paierais-tu pour ça? Honnêtement, je dois t'avouer que s'ils en vendent plusieurs, exemple, c'est un paquet, autour d'une 15 $. Ben, double presque, et prends-en juste un. Oh boy! Donc, c'est 25$ pour le verre. C'est The Right Cup, Trick Your Brain, Drink More Water. Ils ont ramassé de l'argent sur Indiegogo, ils ramassaient 50 000 $ et ils sont rendus à 719% de ça, donc 359 365. Il reste encore 10 jours. Tabarouette. Et le verre est cute à mort. Il est transparent en dessous et jaune ou une couleur que tu veux dans le milieu. Je dois t'avouer que c'est très cute, mais est-ce que ça vaut 25 $ simplement pour un verre? Ouais, mais en même temps, tu vas boire que de l'eau et tu auras pu acheter de jus. Ouais, mais c'est tout. Pas une bouteille, ça, là. C'est un verre. Ouais, mais t'es souvent chez vous? T'es le tiers du temps ou le quart du temps chez vous? Je suis pas mal ici. Ben là, ça, c'est ton problème, hein? Donc, c'est disponible en plusieurs couleurs. Un rose, jaune, vert. Un jaune plus serein, comme j'aime bien, le genre citron. Pêche et cola. Donc, couleur liqueur. Cola. Couleur cola, ça, c'est comme couleur neutre, hein? Peut-être neutre, ouais. Ils ont mis des petites bulles dans leur verre. Je pense pas que ce soit gazéifié, par contre. Ce n'est pas. Zéro calorie, aucun sucre, aucun agent de conservation, aucun additif et aucun carbohydrate. OK. Parce que c'est de l'eau. Fait qu'il faut qu'ils précisent ça dans leur marketing, mais on a compris que c'est de l'eau. Oui. Voilà. De l'eau. De l'eau. Ensuite, t'as sûrement vu, tu sais, les médias traditionnels en 2016 croient n'importe quoi sur Internet, hein? Oui. T'as sûrement vu l'article, genre, ils ont trouvé un téléphone de la Mésopotamie d'il y a 800 ans, mais c'est un téléphone cellulaire avec des formes dessus comme un langage, là, dans le passé. Ouais. Puis ils faisaient comme si c'était un vrai article, tout le monde en a parlé, tous les grands médias ont parlé de ça, puis c'était comme, moi j'étais comme, sérieux, genre, sérieux, c'est une attrape, man, dude, go. Mais toi, tu penses que tout est une attrape déjà en partant dans la vie? Tout est une attrape, jusqu'à preuve du contraire dans la vie. Parce que les médias, voilà. Ça dit n'importe que dalle. Ouais. On se comprend-tu? Mais... Dont nous. Pas le matin. Pas le matin. Donc, c'est une forme, un cunéiforme. Tu connais cunéiforme? C'est des petits langages, justement, là, avec des barres, des lignes, comme on retrouvait dans les grottes. Je vais t'avouer que je connaissais pas. Ben, je connaissais pas le terme, moi non plus, mais quand même. C'est des messages... C'est fait pour envoyer des messages éphémères, de la communication qui vaut rien. OK. Okay? Donc, tu envoies un message texte. Mm-hmm. Par exemple, une parole d'une chanson de Drake, là, genre... Ouais. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Hein? T'es en train de lire un extrait ou comme... C'est une chanson de Drake. OK. Hotline bling. Ah, ben oui. Ben oui. Ah, c'est là où ça chante... Ben, ça chante les paroles de Hotline Bling avec le gars qui claque des doigts... Qui envoie du pepperoni. C'est ça. Oui, cette fameuse chanson. Oui, cette chanson-là. OK. Bref, tu leur envoies ton petit message et ils te renvoient ça sur une tablette d'argile écrit en cunéiforme, ben, tu sais, en semi-simili-cunéiforme. Hein? OK. Donc, tu leur envoies ton tweet, ton message texte, ils le traduisent et ils envoient ça sur une tablette d'argile. Ils te l'envoient par la poste. Et tu payes pour ça. Hein? Tu payes combien pour ça, là? Tu payes 20 $. Ah, c'est pas super. Et ça reste plus intelligent que l'article sur le téléphone de 800 ans dans le Journal de Montréal. Mais je vais t'avouer que c'est... Le Journal de Montréal, Tania. Ouais. Un média supposément crédible. Bon. Ouais. T'allais dire? J'allais dire, j'avoue que si c'est vraiment un ancien langage, c'est quand même cool. Oui. Tu sais, ils utilisaient ça dans le temps, là, sur des grosses pierres, cette fameuse façon d'écrire. Ça, c'est hot. Tu peux faire écrire ce que tu veux. C'est ça. Grosse pierre. Sauf que là, d'aller faire écrire une toune de Drake là-dessus... Tu comprends pas ce que ça dit pareil. Ouais, c'est ça. Tu pourrais marquer « Mais où se cache Carmen Sandiego? » Personne ne sait. Personne mais ne sait. Mais ouais, non, c'est vrai. Ça, c'était pas Pierre, c'était Pierrette Robitaille. C'est Pierrette Robitaille. J'essayais d'amener Pierrette Robitaille. C'est ça son nom? Ensuite... Oui. Ce projet-là est terminé sur Kickstarter, malheureusement, mais c'était pour encourager le British Board of Film Classification, ceux qui classent les films en bon général, 18+, etc., là, c'est les codes pour les films, là, on comprend ça. Mais pour essayer de leur montrer qu'ils avaient beaucoup de temps à perdre, que c'est n'importe quoi leur histoire, quelque chose comme ça. Okay. Ça s'appelle Make the Censors Watch Paint Drying. Forcer à regarder les censors, regarder de la peinture en train de sécher. Est-ce que c'est sérieux? Pour le British Film Board. Classification, British Board of Film Classification, oui. 686 contributeurs ont engagé 5936 livres sterling pour ce projet-là. Hey! C'est pas pire, hein? Et le gars, la première mise à jour du 4 janvier, ça dit « Ah, j'ai oublié de mettre les taxes! » Mais non! Fait que ça a demandé 20% de plus que ce qui était prévu. Oups! Il y a trois commentaires, on va-tu voir les commentaires? Oui! Il y a 19 mentions « J'aime » juste sur ce commentaire-là. Ça dit quoi? Ça dit pas grand chose finalement. Ben, il y en a un qui dit vous venez de passer à l'émission de Nouvelle News Night sur BBC 2. L'autre qui demande j'ai hâte de voir Paint Drying Spectre, la suite avec James Bond, de ce séchage de peinture là. Quand même bien. L'autre attend la collection sur DVD, à la place d'avoir à le regarder en vrai. C'est quand même cocasse. Ah, oh, mon Dieu. C'est un message. J'essaie de passer un message, Tam. Oui, ben oui. On retourne dormir un peu. Ah, oh, ça, je suis partant. Un sleeping bag, c'est cool, mais une peau d'ours, on sait que t'aimes ça. On se rappelle pendant les fêtes. Pendant les fêtes, nos émissions spéciales qu'on a animées ensemble. T'avais... Ça se passait sur le bord du feu avec un spa. Oui. C'est là qu'on avait le spa? Oui, le spa. Oui. Combien d'émissions qu'on a pré-tapées ensemble, Tania? Juste ceux-là. Non, on a pré-tapé 3. Oui, mais les 3 ensemble. Le spécial ensemble. Justine. Ah, c'est ta raison. Les fêtes, puis un autre. Mais je me souviens plus pourquoi. T'as raison. T'as bien raison. Bref, c'est une peau de chevreuil ou orignal, du vin, puis un spa. Oui. Ouais. Puis il y avait de la barbe aussi là-dedans quelque part, mais je me souviens plus pourquoi. C'était poilu. C'était poilu. bref, c'est une peau d'ours, mais qui sert de sleeping bag. Et ça, c'est hot. Et tu dors dans sa bouche. En tout cas, elle dort dans sa bouche. Ben, dans la bouche de l'ours. Pas dans ouais, sa dans la bouche de l'ours. Ouais. C'est bizarre de dormir dans sa propre bouche. J'avoue que c'est vraiment cool, par exemple. Tu sais, avoue, tu décides de te coucher dans ton salon, tu fais faire le saut à quelqu'un, c'est ça. Ça s'appelle le Great Sleeping Bear. 2350$ sur Cargo Collective. Oui, c'est elle a pardon? Failli. T'as failli t'étouffer, littéralement. Ouais, ouais, ouais. Dans 2350$. Plus taxes, j'imagine. Pour j'imagine. Un suit d'ours. Ah non, non, non. C'est pour deux suits d'ours, attention. Ah, oh, pour deux? Ouais. Oh, excuse-moi. Ouais. Si j'avais su. En fait, je me demande, l'article dit c'est cher pour un sleeping bag, même que c'est cher pour deux sleeping bags, mais je pense que c'est vraiment juste pour un. Ah, c'est des articles mal écrits. Voilà. Donc, le Great Sleeping Bear. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. On se fout du prix, vous l'achèterez pas pareil. Hey, ça a pas de bon sens, 2350$. Non, mais tu sais, il y en a des pareils chez Toys R Us à 50. Combien tu paierais pour acheter un ours, Tania? J'achèterais pas d'ours. Ouais, mais mettons que t'avais à l'acheter. J'irais le chasser, non, c'est pas vrai. Ah, c'est ça. Bonne chance. Avec ma chemise de bûcheron. Bonne chance. Tu sais, jouer à Donjons et Dragons, non, peut-être pas, parce que ça, il faudrait un dé spécial. Jouer à, mettons, Yadi. Yadi? Ouais, ouais, ouais. Yadi? Ouais. Yadi? Ou Yami? C'est comme ça? Yami! C'est pas l'ancienne rectrice, Yadi? Non, c'est Gazali. Ah, excuse-moi. Non, c'est Gazali. Faites ta joke comme faux. Faites ta joke comme en plus. Donc, c'est un dé en aluminium avec des lumières LED de tous les côtés à la place des, d'avoir des points incrustés noirs. Ah, oh, c'est cool. C'est le Luma Dice. Ouais, très fancy. Luma Dice, c'est un bloc d'aluminium avec des lumières LED. Une batterie remplaçable, un motion sensor qui va activer les lumières lorsque vous prenez le dé pour le rouler. Ça a été équilibré pour être le plus juste possible de tous les côtés. C'est sur Kickstarter en ce moment. Ils ont rencontré leur but. Donc, ils demandent 29$ pour un ensemble de deux quand ils vont envoyer ça au mois de mars prochain. Cool. Allons voir sur le Kickstarter. Voir combien ils ont ramassé. 192 000 sur 15 000, t'imagines? Oh, quand même. Wow. Wow. Des fans de jeux de société. Mais c'est ça l'affaire. Tu sais, ça t'amène absolument rien non. d'autre qu'un vrai dé, qu'un dé normal, mais il y a de la lumière. Voilà. Et il reste encore 6 jours pour vous le procurer. Tu peux jouer dans le noir. C'est ça. C'est sérieusement, c'est la seule option que je vois de plus. Est-ce qu'on en fait un dernier? Ouais, OK, un dernier. Avec des chandelles à farce et attrape. Oui. Parfait pour. Ouais, ben, je viens de voir le nom qu'il y a sur la chandelle. Si vous avez encore un party de Noël, je sais qu'il y en, moi, y en avait un mardi, genre, il y en a encore des parties de Noël à ce moment-ci. C'est la dernière semaine pour les faire, je pense. Dernière semaine avant le 10 janvier, tu peux. Ouais. Pour donner un cadeau, le fun à quelqu'un, une blague, et là, le shipping va être plus rapide qu'avant les fêtes. C'est les Yank Me Candle, yankmecandle.com. Cette fois-ci, à l'odeur, des petits gâteaux qu'on a dans les urinoirs. Tu sais, les urinoirs ouais, cakes. Ouais, les espèces de. Ce qui ressemble à des pop-up. Oui, gigantesque. Mais ça s'appelle comment en français, je sais pas. C'est pas de la boulamite, ça? Ça, c'est pour le mettre dans le garde-robe, je pense. Hein? Non, mais c'est des rondelles de boulamite, ouais. me semble. Mais dans l'urinoir, c'est ça? Ben, je pense que oui. Ça, c'est pas... Donc, ils ont tout plein d'autres odeurs fragrances, si ouais, je peux genre vomi de chien. Ouais. Ou pète de grand-mère. C'est dégueulasse. Ou mettons trace de break. Je me demande la différence entre trace de break et pète de grand-mère, moi personnellement. Mais ça doit être trace de break, genre odeur de pneus. Parce que sur la photo, c'est vraiment des traces de pneus. T'es forte. Toi, tu connais les chars, ça paraît. Hey, chien mouillé, ça doit vraiment pas sentir bon. Hein. Ben, je pensais que trace de break, c'était pour ça que c'était parce que les pneus, ça sentait le pète. Mais c'est que les pets sentent les pneus? Non. C'est parce que ça fait des traces comme des traces de pneus. Ah, maudit schneif. Hey boy, hein. Faut tout t'y apprendre. Faut tout dire. Touffe-toi pas, Mathieu. Touffe-toi pas. Merci. Ils disent que 50% des profits vont à des animal shelters, les trucs de protection pour les animaux. Donc, quand même, il y a une bonne œuvre bienfaisante derrière ça. 100%. Ça sert à quoi des pieds gazonnés? Ouais, gazonnés, je sais pas, je marche rarement pieds. Sans gazon, finalement. Ça doit être ça. Mais bref, 100% soya. Ah ouais? Ouais, les chandelles. Cool, hein? Tu sais, il y en a un qui s'appelle Tire-Mourdois. Oui, oui, ben justement, et la compagnie s'appelle Yank Me. C'est en hommage à Tire-Mourdois, donc tu peux les appeler au 1-855-YANK-ME-1. Tire-moi sur le doigt un. Ouais, mais ça sent quoi, tire mon doigt? Ben sûrement encore un pet, comme le pet de grand-mère. Mais le pet de grand-mère, ça sentait plus le renfermer un peu. Ou la rose. Peut-être, ah oui, le trop intense. Le pot-pourri. Ah, j'avoue. Peut-être que le pet de grand-mère, ça sent le pot-pourri, puis tire mon doigt, ça sent plus le pet d'homme. C'est ça. Hey, on est-tu vraiment en train de parler de pet ben, ce matin? Oui. J'aurais dû faire un jeu de mots avec pot-pourri, avec P-O-O, ben c'est déjà été fait. Il y a même un produit qui s'appelle pot-pourri. Ah ouais? Sur Internet, allez chercher ça. Ah, je savais pas. Fait, j'en parle, c'est dans chronique de gadgets inutiles, fait que. Voilà, je dis que c'est le dernier. Fait que ça va être le dernier. Ben voilà. Voilà. Merci. Assemblagejockey.com pour les liens de ces gadgets et autres. Parce que c'est des trucs là-dedans qui n'étaient pas des gadgets du tout. Une chandelle, c'est rarement connecté à grand-chose. Ben, je vais t'avouer qu'il y a une grosse passion des chandelles, là, ces temps-ci, partout. Là, ouais. Mettons, là, toutes les filles trippent ces chandelles. Le party light n'aura jamais été aussi à la mode. Ouais, en effet. Ouais. Tu sais, les fameuses chandelles Bath & Body Works, toutes les saveurs de je sais pas quoi. Hein? Ouais, exact. Ah, on va en faire une autre fois, d'autres gadgets. On fait ça habituellement les mercredis, jeudis, ça dépend quand on a le temps. Là, on se donnera pas des règles trop quand même. Au retour de la pause, on parle avec Pénélope Bergeron-Lavallée. Ça fait des mois, non des jours, des heures. Que ça se planifie. Que ça se planifie en effet, mais ça c'est plus ma faute. C'est au retour à Assemblage Requis, on parle du Carrefour Jeunesse Emploi. Restez là. Pour toi aujourd'hui, assemblage de qui? Vous êtes assez, vous êtes assez. 89.1. C'est fou! C'est fou. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Requis. Bon, on se toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 7 janvier 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, et c'est le système qui a une sinusite, je pense aussi. Le système arrête un peu. Ouais. C'est honnête. Ça comme. C'est pas de ma faute. Mais non, c'est pas de la faute à Mathieu. Mais j'ai vu venir, j'ai vu le chronomètre. T'es comme fait, oh, ça va couper. La pub ne dure certainement pas 8 secondes. Non. Certainement pas. Donc voilà, toujours assemblage requis. Dans quelques instants, comme j'ai dit tantôt, on parle avec Pénélope du Carrefour Jeunesse Emploi chez Winigan. On va parler du programme Passeport pour ma réussite. Oui. Ça s'en vient juste là. Mais avant ça, j'ai fait un pet avec ma main. Ah ouais, t'as fait ça? Tu faisais ça dans le temps. Faut que ça soit moi. Qu'on baisse le nata. Ça fonctionne pas. Ah, tu l'as. C'est ça qu'on fait. Je suis pas capable. C'est ça, c'est fou. Voici ta playlist dont on a créé un monstre. Au 89 FM. C'est plus difficile que ça en a l'air, tu sais. Ouais, peut-être qu'il faut se mouiller les mains. Attends. Ah, tu l'as? Ben, attends, faut se mouiller les mains. J'attends ton arrivée. Regarde ton absence. Rends silencieux. Thank you. C'était On a créé un monstre, et ta playlist à assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM. Maintenant, comme j'en ai parlé tantôt, on va accueillir quelqu'un du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan, c'est-à-dire Pénélope Bergeron-Lavallée, ou comme je l'appelle pour raccourcir un petit peu, Bergelée. Hein. J'ai demandé Bergeron-Lavallée, tu comprends, ça fait Bergelée. C'est vrai, c'est qui qu'on avait rebaptisé comme ça aussi? Maudet. Ah oui, Maudet. Ben des fois, on a besoin de smoucher. Smoucher. Smoucher. On fait ça ce matin. C'est tellement drôle, n'est-ce pas, Pénélope? Oui, c'est tellement drôle. Ouais, mais oui. T'as un don pour rebaptiser les gens. J'aime ça. Oui. J'aime comme ça. Alexandrine, que tu voulais qu'elle s'appelle. Drine. Drine. Mais Clémentine. Clémentine. Ah oui, oui. Nectarine. Mais elle ne voulait pas Clémentine. Non. Non, elle faisait rire d'elle avec son prénom. C'est vrai. Moi, je t'avoue que Clémentine, ça aurait été un nom que je voulais pour ma fille si j'avais eu une fille. C'est très beau. Mais pour vrai, puis je pense pas l'avoir dit à Ronde tantôt, mais pour vrai, là, dans la vraie vie, Pénélope, c'est un de mes prénoms préférés. C'est très beau comme nom. Daphné Pénélope. Il y avait une fille qui s'appelait Pénélope dans Ramdam. Oui, c'est vrai, t'as raison. Effectivement. Dans une autre génération. Ouais, c'est génial. Voilà. C'est pas une autre génération. Je suis parfaitement approprié pour écouter Ramdam. Ramdam. Oui. Wow. Ça se peut que ça revienne d'ailleurs. Oui, ça se peut, mais pas sûr. Bref, Pénélope, tu nous viens du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan. Oui. Pour parler du programme Passeport pour ma réussite. Tout à fait. Ça existe depuis 4 ans. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que c'est Passeport pour ma réussite? Mais en fait, c'est un programme pan-canadien. Donc, ça existe quand même. Le premier qu'il y a eu, c'était à Toronto. OK. Je rentrerai pas vraiment dans l'historique du programme Passeport, mais effectivement, ça fait 4 ans que nous, on est établis en Mauricie, à Shawinigan. Pourquoi ils se sont implantés dans différentes villes de Québec, comme on en a un aussi à Verdun? Et puis, on en a un aussi sur la réserve Mastayache, la réserve sur... À Kennewaukee? Non, un peu plus loin, au Saguenay. OK. Ah, OK. Donc, pourquoi que c'est ça, sont établis dans des différentes villes comme ça? C'est que le programme Passeport accompagne des jeunes du secondaire dans la persévérance scolaire. Il faut savoir aussi qu'en Mauricie, à Shawinigan, il y a quand même un haut taux de décrochage scolaire. Mm-hmm. On parle de 43 % de décrochage scolaire à Grand-Mère et Shawinigan. Donc, c'est pour ça que c'est une de ces raisons pourquoi ils se sont établis à Shawinigan et non à Trois-Rivières. Okay. Mais on a quand même la chance d'avoir ce beau programme-là en Mauricie. Oui, c'est, oui, c'est pas trop loin. Vraiment. Mais 43, c'est élevé quand même. Hein? Comment? C'est comme beaucoup élevé, 43 % Oui. C'est beaucoup. C'est vraiment. Vous êtes une équipe de 20 professionnels, c'est oui. ça? Plus des bénévoles. Plus des bénévoles. Ouais. Ça, on va en parler tantôt. Les gens qui travaillent là en permanence, j'imagine, les professionnels, quels sont vos rôles? Ben, en fait, faut savoir qu'il y a 4 ans, l'équipe était vraiment très minime. Ouais. Puis juste dans la dernière année, moi, quand je suis rentrée, parce que je suis dans un nouveau poste, ça fait même pas un an, je suis rentrée en août, on a eu quand même 6 nouveaux employés en même temps. Donc, ça grossit vraiment beaucoup, étant donné que, justement, le programme devient de plus en plus populaire. Donc, c'est ça, quand ça a commencé il y a 4 ans, Passeport pour ma réussite était un peu vu comme si c'était, bon, ben pour aider les pauvres. Puis, il y a beaucoup de jugements par rapport au programme. Donc, les gens, ils voulaient pas trop s'inscrire, les jeunes voulaient pas trop s'inscrire dans un programme qui aurait pu être attitré à la pauvreté. Par contre, il faut savoir que le programme est établi dans deux différentes villes, Grand-Mère, Shawinigan, mais on y va avec le code postal des jeunes, où est-ce qu'ils demeurent. Okay. Donc, sur une rue, tu peux avoir des jeunes qui, t'sais, qui vont bien à l'école, qui sont dans la norme, mais tu peux avoir aussi des jeunes qui vont avoir un peu plus de difficultés. Donc, notre équipe est vraiment formée en fonction de venir en aide justement aux jeunes pour l'accompagnement scolaire. Donc, on a des responsables du tutorat qui sont là à tous les soirs sur les lieux de service qu'on offre. Et puis, eux, de profession, sont enseignantes. OK. Donc, ils vont vraiment être là pour répondre aux questions des jeunes parce que c'est de l'accompagnement scolaire, donc de l'aide aux devoirs. Donc, ils sont vraiment là pour répondre aux questions plus poussées. On a aussi des intervenants qu'on appelle des conseillers parents, conseillers ressources parents élèves. Okay. Donc c'est nous on appelle, oui c'est ça, ouais. Nous on appelle ça un CRPE. C'est ça. OK. Ça va plus vite. Mais c'est donc comme Bergelée. C'est ça, exact, c'est un on fusionne. Et puis dans le fond c'est ça, c'est que eux c'est des, encore là des professionnels de intervention, éducation spécialisée. Donc, eux, ils font un suivi avec chaque jeune qui est inscrit à Passeport. Présentement, on est rendu à 43 élèves par CRPE. Okay. On a 8 CRPE. Oh, quand même! Donc, on calcule, tu sais, présentement, en quatrième année d'existence, on est rendu à 300 jeunes d'inscrits. Wow! Seulement de Shawinigan et grand-mère. Wow, quand même! Donc, et voilà pourquoi... Oh, vous m'appelez de monde, c'est ça! Et voilà pourquoi nous avons besoin de bénévoles. Vous avez 20 professionnels, t'as dit qu'il y avait 6 nouvelles personnes cette année, seulement 5 chaises à la fin, quelqu'un va devoir partir. Ouais, c'est ça. De chaises, ça fait. Donc, on amène des bénévoles... Je joue à chaise musicale. Donc, on a des bénévoles qui sont recherchés en ce moment, c'est pour ça que t'es là en ce moment avec nous en studio. Donc, on a besoin de bénévoles pour l'année 2015-2016. Qu'est-ce qu'on cherche comme gens, comme bénévoles? Ben en fait, pourquoi je suis ici à l'université? Moi, je suis quand même une ancienne étudiante en psychoéducation. Et puis, tous mes bénévoles présentement que j'ai recrutés en automne viennent beaucoup de l'UQTR, du collège aussi, La Flèche. Oui. Donc, c'est beaucoup des étudiants qui vont être dans le domaine de social, humain. Mais je recherche vraiment aussi des bénévoles qui vont être en enseignement. On a besoin des gens qui vont pouvoir les accompagner, nos jeunes, plus au niveau de l'adaptation scolaire, français, mathématiques. Oui, on a des responsables sur les lieux pour répondre aux questions, mais à 23 jeunes par bloc, parce qu'il faut savoir que nous, nos activités, c'est du lundi au jeudi. OK. On a 3 points de service, dont 2 à Shawinigan, 1 à Grand-Mère. Et à tous les soirs, du lundi au jeudi, on a 3 blocs de 50 minutes. Okay, donc, comment? Ça en fait beaucoup. Oui, oui, oui. Mais justement, c'est qu'on a tellement un beau taux de participation. Donc, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les responsables peuvent pas nécessairement répondre dans l'immédiat aux questions des jeunes. Et c'est rendu un besoin vraiment mentionné par les élèves de dire « ben oui, mais moi, j'attends trop longtemps ». Donc, les bénévoles qui sont là, c'est sûr qu'on a un volet très humain. Donc, ils vont être vraiment plus là pour faire... un lien avec le jeune. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est à la base, pour moi, c'est ça. C'est de prendre du temps avec le jeune. Le jeune, des fois, il va venir, puis c'est pas tant pour les devoirs, mais pour avoir quelqu'un qui va juste prendre soin de lui, de parler avec lui. On veut que nos bénévoles soient des personnes significatives, qui deviennent... Des mentors, presque. Ben, des mentors. Ben, presque, c'est ça. Ben, des mentors, mais... Un modèle. Un modèle. Ouais. Mais même juste quelqu'un qui va être là pour... l'encadrer. Tu sais, on en a là qui ont des difficultés à se concentrer, mais quelqu'un à côté de lui qui va dire « Hey, tu sais, je prends du temps avec toi, ouais. J'aime ça parler avec toi, mais oublie pas que faudrait qu'on fasse tes numéros. » Mais c'est un peu un grand frère, grande sœur, ouais, comme l'organisme, mais c'est spécifique à... À l'aide aux devoirs. Ouais, mais on fait aussi des activités de mentorat, de groupe qu'on appelle. Mm. Donc, ça, c'est des activités un peu du style parascolaire. Donc, encore là, c'est après l'école, parce que c'est sûr que nous, on travaille de soir. Nous, excluant la personne qui parle. Toi, t'es là en permanence. Moi, je suis là de jour, mais c'est sûr que le soir, quand que, justement nos activités commencent à chaque début de trimestre, je fais la tournée là, avec aller voir mes bénévoles. Donc, le soir, je vais être là des fois sur place. Est-ce que tu les appelles tes bénévoles? Tes bénévoles? Oh. Les Benny Love. Tes Benny Love. Non, je les appelle pas comme ça, mais j'avoue que je prends vraiment soin d'eux. Toute l'équipe aussi. Puis les jeunes, comme j'essaie vraiment de leur donner cette conscience-là de dire « Wow, j'ai quelqu'un avec moi qui m'accompagne toutes les semaines. Comme justement, moi, j'ai commencé comme bénévole l'an passé. Donc, je partais de mon cours ici à l'université. J'allais à la maison, j'allais voir mes enfants. Il faut bien faire ça à un moment donné. Ben oui, à un moment donné, c'est avant de s'occuper des autres, pour s'occuper des autres. Allez, laisse tout seul à la maison. Ça, c'est bon, je m'en vais faire du bénévolat. C'est ça, faites vos devoirs, je reviens pour que ça soit fait. Exactement. Mon bureau avant 5 ans. Mais bref, c'est ça, c'est que j'allais à la maison, souper, bye-bye, je m'en vais. Je partais de Trois-Rivières, je m'en allais à Shawinigan. Pour 20 minutes de route. Oui, mais je le faisais avec vraiment... Le cœur grand ouvert. Mais le cœur, ouais, c'est ça. Faut que t'aies le cœur gros, faut que t'aies une passion de tout ça, là, sinon. Mais en fait, oui. Mais c'est qu'une fois que t'es dedans, une fois que tu. La première soirée est toujours atypique, là, on va se le dire. Là, la première soirée que tu fais, t'es pas trop à l'aise, t'es pas trop vraiment, bon, le jeune, parce que la responsable va essayer de faire des bons jumelages aussi, dans le sens que si, mettons, elle sait qu'un de ses jeunes a de la difficulté en français, mais si toi, t'es bon en français, ben, puis tu sais, on va faire un bon jumelage. Mais des fois, tu sais, bon, les personnalités ne fonctionnent pas, donc c'est de lui dire aussi que t'es pas très bien ou peu importe, sans que ça, tu viendras pas en aide vraiment aux jeunes. Mm-hmm. Donc, la responsable va vraiment essayer de te rejumeler pour que ça fasse un beau match, pour que toi, t'aimes ton expérience, parce que nos bénévoles sont super importants, mais avant tout aussi que notre jeune peut se développer aussi puis être à l'aise avec la personne qui va l'accompagner. Donc, une fois que t'as vraiment fait un bon jumelage, le 20 minutes que tu tapes là, pour aller à Chavignac, ouais, c'est ça, il vaut la peine. Là, c'est ça. Vraiment c'est ça. Rien, parce que c'est un jeune que tu vas accompagner pendant tout le trimestre. Donc, c'est une heure par semaine. Même, il y en a des fois, là, et pour la plupart, puis ça, j'adore ça, là, peut-être mes bénévoles, je les adore. Oh. Mais ils partent de Trois-Rivières. J'en ai qui font du covoiturage. Fait qu'ils sont cinq ben embarqués oui, dans l'auto parce qu'ils partent tous de l'université. Ils ont tous leurs cours en même temps. Fait que là, ils sont cinq qui arrivent à grand-mère. Ils font pas juste un bloc, ils font les trois blocs parce qu'ils se disent tant qu'à descendre, tant qu'à se déplacer. C'est sûr que moi, je pouvais pas faire ça parce que j'avais une autre réalité. Mais quand même, eux, pour la plupart, ils vont dire, ben écoute, moi, je suis là, je vais faire trois blocs. Ouais. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, tu commences un petit, tu sais, une heure, puis à un moment donné, tu te rends compte que, wow, t'apprécies ton expérience, c'est fun, puis c'est aussi très enrichissant pour le bénévole. Moi, j'en ai qui m'ont dit, écoute, d'accompagner un jeune dans leurs devoirs là, du secondaire, là, je me rends compte que je me mets tellement de la pression à l'université pour pas grand-chose quand je vois mon jeune à côté de moi qui rush. Mais tu sais, c'est incroyable là, de pouvoir te faire justement cette rétrospection-là après de dire, tu sais, on grandit, là. On vient chercher quelque chose de plus, là, dans le sens que c'est pas juste de donner, là, c'est on reçoit aussi. Là. Le jeune, quand il te revoit, là, il est content. Ben, c'est ça. Le mardi, il sait que tu vas être là, là. Puis c'est tellement... C'est valorisant. C'est valorisant, mais tu sais, puis on va se le dire, là, à l'adolescence, là, moi, je me souviens de mon adolescence, j'étais pas dans la reconnaissance, là, j'étais pas dans le gros merci, hey, j'apprécie que tu sois là pour m'aider. Non. Fait que c'est sûr qu'il y a des ados qui, tu sais, ils vont pas nécessairement le démontrer. Mais encore là, tu vois, c'est en septembre, j'ai mis sur pied un concours que c'était les jeunes qui votaient pour leurs bénévoles avec l'aide de mes responsables de tutorat. Et puis, on leur demandait d'écrire juste un petit mot du bénévole. OK. Mais j'en ai là, des jeunes là, qui se sont ouverts, là, puis écrire recto verso sur le coupon, là, comment que la personne, le bénévole, faisait du bien. Moi, j'envoyais ça après dans des petites cartes de Noël pour dire merci, puis dire « j'espère que tu vas revenir ». Parce que t'as vraiment donné un bon coup à un de nos jeunes, tu sais, puis c'est ça qu'on veut, c'est que ces jeunes-là prennent conscience de l'importance du bénévole qui vient, puis il y en a qui n'ont pas ça à la maison. C'est non, ça qu'ils viennent chercher. Puis c'est tout là la beauté aussi. Donc, je vous le dis, là, mes bénévoles, on les chouchoute. On veut vraiment qu'ils se sentent bien. Puis moi, je suis vraiment là pour les écouter puis, tu sais, répondre à leurs besoins. Mais toutes les responsables qui sont sur les lieux, Catherine, Joanie puis Sabrina, elles sont très ouvertes puis à l'écoute. Donc, après chaque bloc, on a un petit 15 minutes entre pour justement voir comment faire un petit... feedback, voir comment ça a été avec le jeune. Puis c'est ça, elle va faire justement un résumé après la responsable pour dire, bon, ben tu sais, tel jeune, ça a bien été. Oups, ce soir, moins bien, il vit des choses. Puis il faut savoir aussi que les responsables connaissent leur jeune, connaissent leur dossier, connaissent leur parcours. Puis nos CRPE se déplacent aussi sur les milieux, sur les différents services, points de service, pour aller voir leur jeune. Okay. Donc, il y a vraiment un beau suivi. Ben, c'est ça, il y a un beau suivi, finalement. Ben oui, c'est ça. Non, mais moi, je pourrais en parler, là. Hey, je ne sais pas, c'est fun. C'est ça qui est fun, mais tu disais que c'est les jeunes secondaires, donc ça va de secondaire 1 à secondaire 5, dans toutes les disciplines secondaires? Ben, en fait, moi, je pourrais peut-être vous parler un peu de aussi comment que ça fonctionne pour s'inscrire. Tu sais, là, je parlais c'est tantôt ça pour les bénévoles. Cherchez-vous du monde qui sont bons en maths, en français, en anglais, en sciences? Oui, en fait, c'est ça. Dans le fond, je vais juste rectifier une petite chose. Oui. C'est que présentement, vu que ça fait juste 4 ans qu'on existe, nos plus vieux sont en 4e année secondaire. Okay. Fait que l'année prochaine, ça va être nos premiers finissants. Donc, les CRPE qui les suivent, là, c'est comme juste cette année, là, on est proche de l'émotion. L'année prochaine, on a des finissants. Donc, c'est vraiment une belle fierté. Et puis, il faut savoir aussi que sur toutes les jeunes qui s'inscrivent présentement à Passeport, on a vraiment un beau taux de réussite avec Passeport. Okay. On n'a aucun échec présentement, pas aucun échec, aucun abandon. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'échec, mais on n'a aucune... Il n'y a personne qui a lâché l'école. Donc, on est vraiment dans la persévérance scolaire. Et on voit aussi qu'il y a des résultats. Les jeunes sont contents quand ils arrivent le soir. Ils disent « Hey, j'ai eu 70 dans mon examen! » Tu sais, pour nous, 70, c'est beaucoup, là. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie des critères pour les jeunes de quand ils s'inscrivent à Passeport au premier trimestre. Les jeunes, dans leur premier bulletin, doivent avoir passé dans les 3 matières de base, français, mathématiques, anglais, avec 70 % et plus. OK. Si ça a été atteint dans les 3 matières, ensuite de ça, ils sont exemptés du tutorat. Ah. Donc, ils ne sont plus obligés de venir, mais ils font quand même partie du programme. Pour la plupart, malgré qu'il y en a qui vont vraiment avoir des bonnes notes, reviennent quand même au tutorat parce qu'ils viennent chercher justement quelque chose de plus, un encadrement. J'en ai des jeunes qui m'ont dit « Ben moi, si j'étais à la maison, je ferais jamais mes devoirs. Mm-hmm. » Mais quand je viens ici, ben je suis comme plus motivée. Donc, tu sais, c'est vraiment beau, là. Mm-hmm. Et, donc, c'est ça. Fait que pour pouvoir être exempté du tutorat, c'est 70 % de réussite dans les 3 matières. Et puis, il faut qu'ils fassent 2 heures de tutorat par semaine. Donc, si, mettons, ils sont exemptés, ils n'auront plus à faire ces 2 heures-là de tutorat. Et puis, comme je disais, français, anglais, mathématiques, oui, c'est un peu ce qu'on cherche aussi dans nos bénévoles. C'est aussi une des raisons pourquoi je viens à la radio, c'est que je veux vraiment aller chercher le plus de bénévoles dans différents domaines, différents programmes, parce que présentement, mes bénévoles sont beaucoup, comme je disais tantôt, plus volet humain, mais tu sais, psychologie, psychoéducation, éducation spécialisée au Collège La Flèche. Mais j'espérais avoir justement... Des étudiants en enseignement, C'est difficile d'aller chercher les étudiants en enseignement parce qu'ils ont vraiment un horaire aussi très atypique. Ouais. Là. Justement, en parlant d'horaire, est-ce qu'il y a un minimum requis à faire comme bénévole? Ben, c'est sûr qu'on demande une heure minimum par semaine, mais... puis ça, on le respecte, là. Il n'y a aucun problème, aucun malaise. Si c'est juste d'heure, c'est mieux que rien. C'est ça. C'est exactement est-ce ça. Est-ce qu'il y a des limites d'âge? Limite d'âge, pas de temps. C'est sûr que moi, je passe les bénévoles en entrevue, là. Gros guillemets. En entrevue, on va se le dire vite. On se rend compte. Je filtre un peu la personne. On fait aussi une enquête. C'est pas une historique. Dossier criminel. Ouais. Oui, c'est ça. Allô, JP! JP, puis dans sa douche! C'est ça! Il est sorti! T'as pas le droit de nous écouter si t'es pas dans ta douche, JP. Viens nous montrer tes oreilles! En arrière, pour que ce soit propre! Oui, dites-moi ça en arrière. Directeur général de C'est fou, Jean-Philippe Chabot. On disait? Inside de plutôt. Oui, c'est ça, dans l'émission. Je raconte tous les insides. Mais donc, c'est ça. C'est quoi la question? La limite d'âge. Il y a pas vraiment pour le bénévole. Ouais, en fait, c'est ça. Pas tant limite d'âge, mais je te dirais que c'est sûr que ceux que je recrute présentement sont quand même étudiants. C'est ça, c'est universitaire. Oui, c'est collégial. C'est ça, il faut qu'il y ait un lien. C'est plus facile d'avoir un lien avec quelqu'un qui est proche de ton âge que quelqu'un qui est pas mal plus vieux, j'imagine. Ben, c'est encore drôle, ouais, c'est ça. C'est à discuter parce qu'il y en a qui se disent, ben là, tu sais, je viens juste de sortir du. Quasiment du secondaire. Ouais. Je suis comme un peu mal à l'aise. Mais en même temps, nous, ce qu'on souhaite, c'est que justement, les gens, ils s'impliquent, donnent de leur temps. C'est tellement important. Puis de plus en plus à l'université, là, pour entrer au bac, là, en tout cas, je parle plus en psychologie, là, c'est un prérequis. Ça prend du bénévolat. Mmh. Oui, mais il y en a beaucoup qui demandent oui, ça. Mais tu sais, en plus, c'est une belle façon aussi d'aller valider si c'est notre clientèle. Puis les gens, tu sais, qui, mettons, se sont inscrits comme bénévoles au trimestre d'automne, pour la plupart, ils reviennent cet hiver mm-hmm. parce qu'ils ont aimé leur expérience. Puis pour ceux qui ne reviennent pas, bonjour à tous, mais je vous adore. Mais je sais qu'ils vont venir un jour. Là. Oui. C'est juste parce que là, il y avait comme... oui, c'est ça, une petite pause. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, ils vont... Ils donnent de leur temps un minimum qu'ils peuvent, mais étant donné la réalité d'étudiants, ouais. hein, là, on sait qu'il y a des rushs de mi-session, il y a une période de semaine de lecture. Et donc, il y a plusieurs comme moments qui font qu'à un moment donné, ben, mes bénévoles ne sont pas là. Donc, c'est pour ça que... Il en faut plus pour pouvoir patcher. Il en faut plus, effectivement. Ouais. Donc, j'essaie aussi d'aller vraiment recruter des bénévoles citoyennes chez Winnian. Pour justement peut-être pallier, équilibrer ouais, pour ceux qui ne peuvent pas venir pendant leur rush. Mais c'est un peu plus difficile. Mais je travaille fort là-dessus, j'ai confiance. Mais si je viens ici, c'est pour aller chercher plus de bénévoles ouais. dans d'autres domaines. Ben justement, comment est-ce qu'on fait si on veut se proposer comme bénévole? Qu'est-ce qu'on doit contacter? Dis-nous tous les détails pour faire ça. Ben, en fait, tu es. La meilleure méthode, ça serait vraiment de prendre contact avec moi du lundi au vendredi de jour au bureau. Donc, tu veux que je te laisse mes coordonnées comme ça? S'il te plaît, ton oui. courriel au moins. Je mon pense courriel? C'est ce que les gens vont retenir le plus, non? Ah oui? Je sais pas. Les mais jeunes, moi, je suis une autre génération. Moi, génération de téléphone. Ah, mais les jeunes, ils vont dire, genre, écris-moi sur Facebook Messenger. Ouais, mais t'envoyez mon CV par Twitter. Snapchat, moi, ça, sur Splash Face de mon underground. Ah, là, moi, là, je suis plus là, là. Ah, non plus. Mode LinkedIn. Mode LinkedIn, ça. Ah, oui. Ah, ça, c'est bon. Ça, vraiment, ouais, je connais. Ouais, ouais. Ça va. Mais, OK, je vais y aller avec mon adresse courriel, mais vous allez voir, elle est quand même assez, assez longue. Alors, P. Bergeron. Okay. Ouais. La Vallée. Non, c'est pas spécial. L-L-E-E. Oui. Tout ensemble. A commercial. C-J-E. Ouais. Shawinigan. Shawinigan comme la ville. Donc, tout ensemble, encore là. Point .org. Comme une organisation. Effectivement. Donc, P. Bergeron La Vallée. Oui. Comme ton prénom avec la lettre puis le nom de famille. A-C-J-E comme Carrefour Jeunesse Emploi. Shawinigan comme la ville. Point .org comme organisation. C'est ça. Puis simple. Nous, on va remettre ça sur le Facebook. Ben, oui, c'est oui, sûr, oui. C'est sûr. Puis je voulais juste dire, parenthèse, tantôt, tu me demandais justement, les bénévoles, y a-t-il un âge? Mm-hmm. Mais je voulais juste dire et mentionner la fierté qu'on a à Passeport. Présentement, nos plus vieux de secondaire 4 doivent faire du mentorat de spécialité. Bon, tantôt, j'ai parlé de mentorat de groupe, activité parascolaire. Ouais. Mentorat de spécialité, on va avec les plus vieux. Ils doivent... c'est sur une année, donc c'est un projet... soit communautaire, passion, ils découvrent des nouvelles passions, puis cuisine. Donc, c'est vraiment différentes activités, mais sur une année. Donc, ils font le processus au complet. Au début, ils apprennent un peu, de quoi qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va travailler. On a... Bon, attends, toi, tu trimes... Là, je viens d'avoir un flash. Jeux de société. Oh, oui, OK. Ben oui, c'est cool. Présentement, nos plus vieux, avec l'aide d'une bénévole... qui est une maman aussi d'un de nos deux jeunes à Passeport. Ça, c'est important aussi, les parents mm-hmm. de jeunes mm-hmm. de Passeport qui s'impliquent, on les adore, vraiment. Ils apportent tellement quelque chose de plus. Puis bon, ben, bref, c'est ça. Annie, elle s'occupe du mentorat de spécialité création de jeux de société. Fait que là, elle a un groupe de jeunes qui sont motivés. Donc, au début du trimestre d'automne, ils ont commencé à regarder ensemble, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu? Ils ont passé des quiz, des questionnaires auprès de leurs amis, famille, tout ça. Qu'est-ce qui serait intéressant? Ensuite de ça, ils ont compilé tous leurs résultats. Puis là, à partir de ça, ils ont décidé de faire un jeu de table. Mais ça a l'air que ça va tourner, puis là, il y a plein de... En tout cas, ils sont vraiment motivés, là, puis donc là, au trimestre d'hiver, ils vont le monter, puis trimestre printemps, ils vont le présenter. Donc, tu sais, c'est quand même c'est vraiment super, le négoire, là. C'est... Mais pour ça, pour dire que nos anciens, qui font, on les appelle l'escouade bénévole. Donc, ces jeunes-là sont devenus bénévoles. Donc, avec le temps. Ben, non, juste cette année, ils se sont inscrits dans ce volet-là pour pouvoir justement accompagner les plus jeunes dans leurs devoirs. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Hey, c'est magnifique, c'est magnifique. Non, mais caméra 3, regardez. Ah! Elle a des poules, la caméra, c'est... Caméra 3, c'est le moment de parler du fait que Pénélope est notre auditrice régulière d'émission. Oui. Ça fait longtemps que t'écoutes l'émission. Combien de temps ça fait? Ben écoute, depuis que je suis étudiante dans l'UQTR, okay. Mais je suis quand même une étudiante très engagée. Moi, je t'ai jamais vue avant, fait que c'est pas... Non, mais tu m'as jamais vue avant, mais j'étais quand même très impliquée au MS. Ah oui, ben qui oui. Qui est comme plus loin. Très, très loin. Quand même. Michel Sarrazin. Bref, Pénélope, Bergeron-la-Vallée. Oui. Encore une fois, P. Bergeron-la-Vallée à cgshawinigan.org. On va mettre ça sur la page Facebook. C'est, t'envoies leur curriculum vitae, en fait. Tu peux faire ça? Non, mais c'est ça. Ou non, c'est comme ça. Mais prenez contact avec, puis elle va vous dire. Oui, mais c'est pour ça, c'est ça. Tu sais, envoyez-moi un petit coucou, me dire je t'ai entendu en entrevue, ouais. C'est fou. Parce qu'on sait que. Ouais, c'est ça, branché, c'est fou, s'il vous plaît. Avec le beau Mathieu Plan. Ah oui, la belle Tonya. Avec un Y. Oui. Mais cassez-vous pas la tête. Écrivez un courriel à Pénélope, dites salut Penny. Salut Penny, j'aime bien ça. Exactement. Puis, dis-moi quoi faire. Ben, en fait, je veux être bénévole. C'est sûr que là, nos activités commencent le 18 janvier. Donc, d'ici à la 2 semaines, moi, je fais encore des présentations dans les différents programmes, cours, ici à l'université. Et puis, donc, je vais avoir des kiosques aussi d'informations. Ça fonctionne vraiment bien. Mais c'est sûr que si vous avez déjà un intérêt, puis vous voulez dire « OK, moi, j'embarque, ça m'intéresse », vous m'écrivez. Puis, moi, c'est sûr que je vais faire un retour là, avec la personne et les personnes qui vont avoir manifesté leur intérêt. Parfait, ça. Donc, ça s'appelle le passeport pour ma réussite du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan. Oui. Pénélope Bergeron. Shawinigan, c'est 20 minutes. 20 minutes, c'est pas long. Covoiturage en plus. Là. Hein? Ouais, je l'offre aussi, le service. Ah, bon. Si jamais, tu sais, non, mais c'est vrai. Si jamais... t'achètes un autobus juste pour ça. Bientôt. Ça va. Non, mais si jamais, justement, j'ai un bénévole qui veut s'impliquer, mais qui n'a pas de voiture, ben je m'arrange pour que j'aille. OK, ben toi, c'est le mardi. Ah, oh, j'ai quelqu'un le mardi. Mm-hmm. OK, tu fais l'organisation du covoiturage. Oui, quand même. Merci. Dans son bureau, elle a une grosse carte avec plein de petites autos. Non, mais quand est-ce que vous allez venir, là? Hein? Oh! Non! Ah, vous n'avez pas de voiture? Pas. Non, ben moi non. Ouais. Toi non, mais Tania. Moi oui. Ah, oh, pas d'excuse. Voilà! C'est ça. Merci encore. Mais merci à vous autres. Continuez de nous écouter. Ah, ben oui. On aime ça t'avoir. C'est sûr. Puis d'ailleurs, mes collègues, ils écoutaient ce matin. Ah, ouais. La voiture, là, on attend les gags. On salue les collègues, hein? LP, Mathieu. Là, j'en ai nommé juste deux. C'est mais... On s'est encore GP. GP! Non, c'est ça. C'était pas JP. Non, ça, c'était Danny, ça. OK, c'est lui. Avec le papier. Le papier? Ouais. 2016. En tout cas? Non? En tableau blanc. En tableau blanc. C'est ça. Voilà. donc, merci. Et on se retrouve peut-être un jour pour en reparler. Oui. Ce programme-là. D'ailleurs, peut-être la semaine de l'action bénévole. OK. Hein? Vendu. C'est déjà vendu. Persévérance scolaire. Voilà. Où est-ce qu'on signe pour ça? Ouais, c'est ça. C'est inscrit au calendrier. Là. OK. Mais merci beaucoup. Merci encore. On va prendre une autre pause. On est rendu là. Après ça, ça va être une grosse pointe en dresse. Si une chronique préférée à avoir dans la vie, c'est souvent une grosse pointe en dresse. J'ai pas demandé sa chronique préférée. C'est vrai, hein? On va demander en rond. Ouais, en rond. toutes les chroniques. Numéro 1 à égalité pour tout le monde. À sondage requis. Pour toi aujourd'hui. Sondage requis. Oui. C'est fou. 89. Visitez cifou.ca. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage requis. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Oui. Assemblage requis.

Et les pochettes sur les côtés, sur les bouts des étoiles, c'est encore une fois du saumon fumé et du fromage à la crème, mais imprégné dans les petites pochettes que tu peux détacher et manger. Et il y a sur le dessus des graines de pavot sur les côtés de Mon la Dieu, de grosse pizza. Mais c'est malade, pour vrai. Oui, c'est intense, mais en même temps, ça, tu sais, justement, dans la croûte, ça doit remplacer le fromage fondant dans la croûte de Pizza Hut. Mais c'est quand même intense dans le goût. Ouais, on va se le dire, ça goûte le poisson en titi, là. Ça a l'air bon, je trouve. 17,36$ américains environ, c'est quand même une pizza assez dispendieuse, mais avec du saumon. Ouais, mais Pizza Hut, c'est quand même assez dispendieux aussi. Hein? Oui, il faut peut-être des spéciales, des promos, des coupons. Il ouais. Y a aussi, tant qu'à parler de saumon, il est toujours à Singapour. C'était ça, Singapour? Non, Luxembourg. La chaîne offre aussi des roulés aux tortillas avec du fromage à la crème et du saumon. Donc, des petits wraps chez Pizza Hut, je sais pas pourquoi ils font ça. Avec crème sûre pour tremper. Et un petit bout de citron pour garnir ton roulé. Tortilla au saumon. Voilà, c'est tout pour les nouvelles de fast food à travers le monde. Tout le monde est jaloux que ce soit pas au Québec, c'est jamais au Québec. C'est vrai, c'est jamais ça, c'est vrai. C'est rarement au Québec. C'est mais vrai. Peut-être un jour. Qui sait, je sais pas pourquoi. Nous, il nous reste encore un petit bout d'émission et un petit bout de tartine. Hein? Donc, on va revenir avec la chronique de Tania Is Gonna Entertain Ya dans quelques instants. Merci, Pénélope, d'être restée. Ben, merci à vous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. À plus tard. Bonne journée. À tantôt. À son âge de 15 ans, pour toi aujourd'hui. À son âge de 15 ans. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage requis. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, on est jeudi 7 janvier 2016, et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Maintenant on est rendu seul. Ben oui, Pénélope nous a quittés. Ah, mais ce fut un plaisir de l'avoir avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir toi aussi, Tania. C'est l'émission 2/3 féminine aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Quand même. T'étais en minorité. Visiblement, visiblement. Donc c'est le moment de parler avec toi, Tania. C'est Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Tania Baudin, bonjour à toi. Bonjour. Tu nous présentes une chronique toujours des plus diversifiées, un sujet différent chaque matin, toujours une surprise. C'est comme se demander ce que tu vas mettre sur ta tartine. Eh oui, en effet. Ça fit ce matin parce que je vous parle de bouffe. Ah ben calme. Mais du moins, je vous parle d'émissions de bouffe. Je peux prendre une bouchée pendant ça, là? Vas-y, prends une bouchée de ta tartine. On a goûté une tartine croquante. Au chocolat croquant, entre guillemets, tantôt. Ouais, entre guillemets pour le croquant, parce que c'est pas vraiment croquant. Oh, mon pain est rendu sec! Oh non! Outrage! Outrage au pain gadois de Mathieu. Mais oui, parce que en fait, depuis quelques années, je dois avouer que ma famille et moi, donc mes parents et moi, on écoute de façon assez religieuse la fameuse émission MasterChef. Mm. Mais là, je dois dire qu'on écoute la version australienne et non pas la version américaine. Sur Casa. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une différence dans la façon qu'ils apprêtent les plats. Ils sont plus originaux, les Australiens, que les Américains. Moi aussi, j'ai trouvé. Et cette année, en fait, ils disaient en début de saison que les candidats sont de plus en plus expérimentés quand ils arrivent à la compétition. Parce qu'on doit se le dire, c'est quand même une compétition amateur. Il n'y a pas, en temps normal, il n'y a pas personne qui va arriver là et qui doit déjà avoir un restaurant. Ils peuvent très bien travailler dans un restaurant, mais pas nécessairement en tant que chef. Et la plupart n'ont pas fait de grandes études en cuisine ou de ce côté-là. Et c'est ce que j'aime, parce que tu te dis, oh mon Dieu, peut-être que moi, un jour, je pourrais réussir à faire ça. Et là, hier, j'écoutais l'émission et je me disais, bah, finalement, je serais jamais capable de faire ça. Mais... je dois vous dire que j'aime beaucoup la dynamique des trois juges du côté MasterChef Australie. Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'émission. Pas du tout, non. Je sais que t'écoutes pas beaucoup la télévision. Ben, pas de télé-réalité, surtout. Ouais. Bon, télé-réalité, c'est bien vite dit, mais ouais, c'est calculé comme étant une compétition. Mais pas une émission de réalité, là. On les voit pas vraiment vivre ensemble. Mais oui, en fait, ils sont mis à clos du moment qu'ils sont choisis. Ils vivent ensemble. Tu vois, c'est de la télé-réalité. Oui, mais on le voit pas. Dans le domaine américain de la télé, on appelle ça de la non-fiction. Ouais, OK, c'est correct. Ouais. Et en fait, ils sont mis à clos. Donc, de ce côté-là, ils mettent en péril... Ben, je veux pas dire mettre en péril, mais ils mettent de côté leur vie habituelle. Il y en a qui ont des enfants. Et ils mettent ça de côté pendant quelques temps pour simplement aller voir s'ils sont capables de remporter le titre de MasterChef et de remporter le prix, bien évidemment, monétaire, qui, si je me souviens bien, est de 200 quelques mille dollars, pour pouvoir, la plupart du temps, se partir en affaires avec son propre restaurant ou faire quelques études de cuisine ou quoi que ce soit. Alors, du côté de MasterChef Australie, je dois dire que les juges m'impressionnent. Il y a Gary Mahigan, qui lui est un grand chef, évidemment, culinaire australien. Je dirais que de ce côté-là, Gary, c'est peut-être le gars qui va moins aller ses émotions. Moi, je le vois souvent comme le gars qui va être un petit peu plus poker face, mettons. Mais quand il aime quelque chose, il se gênera pas pour le faire savoir. Et c'est ce que j'aime. Et la plupart du temps, c'est que les gens vont surprendre nos juges beaucoup plus que dans les premières saisons. Parce que justement, au fur et à mesure que tu regardes les saisons, tu vois à quel point... comment je pourrais dire ça? Le niveau de difficulté devient de plus en plus grand. Je suis pas certaine que si j'écoutais la saison 1 aujourd'hui avec la saison qui joue présentement, le niveau de difficulté serait le même. Parce qu'il y a eu une espèce de... On en parlait quand on a reçu le cuisinier paresseux ici en studio. Il y a comme eu un oomph de cette fameuse passion de la cuisine-là, puis l'intérêt de la cuisine pour les gens. Oui, et les compétitions, particulièrement avec les Master Chef, les Iron Chef, les Chopped. Exactement. Puis la plupart du temps, ça va être des compétitions justement amateurs où les gens vont se dire, ben mon Dieu, moi aussi, je suis capable de reproduire ça dans ma cuisine. Ouais. Et je dois dire que j'ai un petit faible pour le juge George Calambaris, qui a été décoré de plusieurs distinctions dans son travail de chef un petit peu partout à travers le monde. C'est quand même un chef qui a seulement 30 ans, mais qui a beaucoup, beaucoup de métiers en dessous de sa cravate, disons-le comme ça. Et il y a aussi le juge Matt Preston, qui lui est un critique gastronome dans la vie. C'est pas un chef, mais il connaît ça, la bouffe. Hein? Donc, du moment que tu te fais critiquer sur un plat que tu viens de faire par un chef, par un critique gastronome comme Matt Preston, c'est quand même assez... Ça doit être... la pression doit être dure, en fait. Faut avoir la peau épaisse. Oui, c'est ça, la peau très épaisse. Et je voulais surtout parler de la deuxième émission qui a suivi après ça. Parce qu'en temps normal, en semaine, il va y avoir MasterChef Australie à 22h sur les ondes de Casa. Oui, il y a MasterChef Australie qui va être disputé par des adultes, bien souvent. Oui, la version pour enfants, tu veux parler de ça? C'est drôle, ça. Hier, je suis tombée sur la première de la série MasterChef Junior. Hey, ils se prennent-tu pour d'autres, les jeunes, dans cette émission-là? USA. Ah, man, sérieux, les jeunes. Ah, là. Super genre fendant, là, comment? Mais tu comprends pas, là. Tu comprends pas? Je ne réussirai jamais à faire ce qu'ils font. Je dois le dire, là, c'est une compétition culinaire d'enfants entre 8 et 13 ans. Mais ils ont ben trop d'émotions, ces enfants-là. C'est pas correct de leur faire ça. Ils vont péter les plombs. Non, mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'émotions. Mais c'est là qu'on voit la passion. Puis c'est là qu'on voit que quand on est jeune, on a peur de rien. Ouais. Hier, il y a un jeune de 12 ans qui coupait des je pense que c'est des céleris. Comme j'ai jamais vu quelqu'un couper des céleris, là, je serais même pas capable de faire ça, moi. Et on doit le dire, les juges sont impressionnés. Ah oui. C'est excellent. C'est pas des juges enfants. Exactement. Les juges, en fait, du côté de MasterChef USA, parce que là, c'est du côté américain, bien évidemment. C'est Gordon Ramsay, quand même, hein, un chef de grand renom qu'on connaît beaucoup plus pour son émission Hell's Kitchen. C'est ça, il remplit un genre de 14 heures par semaine sur Fox. Mettons, là. En prime time. Il y a je veux juste dire quelques restaurants à son actif, pour pas dire genre la moitié de la planète est à lui. Il y a Graham Elliott, qui lui est un pâtissier, si je me souviens bien. C'est C'est un chef américain qui est de Chicago. Et oui, c'est, je dirais, hier, il y avait un défi culinaire qui était de la pâtisserie. Et c'est lui qui a mis les jeunes au défi de faire ce défi-là par rapport à la pâtisserie. Donc, j'ai comme l'impression que c'est une de ses spécialités. Est-ce qu'il fait des biscuits gras, Amélia? Je sais pas. Et il y a aussi Joe Bastianich. Et là, j'espère que je dis bien son nom. On dirait un sac et Bastianich. Ouais, c'est en fait... C'est un auteur, c'est aussi un ben, je veux pas dire un vignier, tu peux pas dire ça. Quelqu'un qui fait pousser du vin. Ouais, ça fait pousser des grappes de raisin pour faire du vin. Un viniculteur. Un viniculteur, ça, peut-être. C'est aussi un restaurateur, donc lui, en fait, il achète des restaurants. On le voit dans quelques émissions aussi. C'est bien viniculteur. Oui, et il est aussi chef, mais lui, je dirais que c'est lui qui fait peur. Okay. Tu sais, comme... Il y a tout le temps un méchant dans la gang. C'est ça, il y a tout le temps un juge qui fait peur. C'est moi, c'est Joe Bastianich. Hier, j'écoutais l'émission, puis là, j'étais comme... Ouais, mais ils ont juste 8... Entre 8 et 13 ans, là, ils vont les démolir. Genre, pourquoi ils ont des... C'est tout ce que j'ai vu de l'émission, c'est quand il est démoli, puis ça, qui est drôle. Ah non, mais je te le dis, mais... Ils se gênent pas parce que ce sont tous des jeunes. On doit dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'auditions avant qu'ils arrivent ou simplement aux 24 qui sont là dans l'émission. Et là, ça va découler, et bien évidemment, jusqu'à temps qu'il en reste juste un. Mais il y a eu des auditions à par rapport à savoir qu'est-ce que tu es capable de cuisiner, à quel goût est-ce que ça va avoir, le niveau de difficulté que tu es capable d'exercer. Et je me disais justement hier en discutant avec mes parents, mais c'est sûr et certain qu'il y a de ces jeunes-là qui sont des jeunes de chef. Ah ouais, parce que pour connaître la technique de coupure du brocoli et du c'est terrible. Céleri comme ça, faut que quelqu'un te montre ça, c'est pas savoir ça naturellement. C'est sûr, mais hier j'écoutais l'émission et il y en a que... Ils ont juste eu une passion pour la cuisine dès leur plus jeune âge. Ouais. Il y a un petit gars qui disait qu'à partir de l'âge de 4 ans, il faisait des macarons dans sa cuisine, OK? Excuse-moi, c'est lui qui a gagné l'émission hier parce que ses macarons étaient à la pistache et dolce de leche vanille. Aïe. Et Gordon Ramsay lui a dit « Je sers tes macarons demain matin dans mon restaurant. » Hey, il y a 13 ans, là. Ouais. C'est impressionnant de voir cette espèce d'euphorie là autour des émissions pour nourriture, justement. Puis ce que je trouve le fun... C'est pas pour nourriture dans le sens que le public cible n'est pas... La nourriture, tomate, ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que justement, avec l'émission MasterChef Junior, c'est peut-être de faire voir aux jeunes que oui, la nourriture, c'est pas si... ça peut être très, très bon... apprêter de la façon que vos parents le font. Tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à manger leurs légumes puis tout ça, mais de voir des jeunes cuisiner cette cuisine-là, les légumes, la pâtisserie, les pâtes. Hier, ils ont eu un défi de devoir faire des pâtes fraîches eux-mêmes en dedans d'une heure. OK. Et ils ont tous réussi. Je sais même pas comment ça se fait. Hey, j'ai de la misère à faire cuire mon macaroni. Eh okay? Oui, ça brûle dans le fond du exactement. Du salon, ouais. C'est une passion, on peut pas dire la autrement. Puis il y a une jeune fille qui, au début de l'émission hier, parce que c'était la première de la saison 1, en fait, qui est diffusée à Casa, puis elle disait, moi, plus tard, je veux devenir chef, juge, à MasterChef. Oui, ben oui. Tu sais, c'est... Il y a juste trois places là-dedans. C'est, là, ouais, un peu. C'est ça. C'est wow, minute, là. C'est assez contingenté. C'est un marché assez contingenté, juge, ça. Dans une émission de cuisine. Exactement. T'sais. Mais c'est... tellement impressionnant de les voir. Puis je trouve que c'est bien de faire écouter MasterChef Junior, peut-être plus Junior, là, évidemment, à ses enfants pour justement leur faire comprendre que la nourriture, c'est pas malsain comme on voit beaucoup partout, en fait. Mm. De dire, oui, tu peux avoir du plaisir en mangeant et en cuisinant et t'es pas obligé nécessairement d'avoir des problèmes qui vont découler de ça. Mm. C'était une courte chronique. Ça a bien du sens, pareil. Mais ça a du sens, puis je voulais en parler parce que moi, j'aime ça, MasterChef, puis j'aurais aimé ça à 13 ans être capable de cuisiner comme une cuisine. Hey, 23 ans, je suis même pas capable de cuisiner de même. Chacun ses talents, tu sais. J'ai la misère si à faire du tartare. Ouais, mais commence là, puis tu vas peut-être réussir. Ouais. Commence par la base, commence en bas de l'échelle. Je sais. Je te dis ça, mais je le ferai pas moi-même. Ouais, c'est ça. Pas, hein? Ça fait... Je cuisine pas. Là, bien évidemment, à chaque de mes chroniques, il y a une pièce musicale qui vient avec. Mais, hein? Mais je dois dire qu'une chanson qui parle de bouffe, c'est quand même assez difficile à trouver. Il y en a des millions, Tania. Il y en a des millions, mais je voulais surtout quelque chose, peut-être d'humoristique. Oui. Et j'ai trouvé, en fait, c'est un chef, c'est Jamie Oliver, je sais pas si tu sais c'est qui. Mais, britannique. Oui, britannique. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais Jamie Oliver a fait une chanson en collaboration avec Ed Sheeran pour The Food Revolution Day. Et c'est comme ça que la pièce s'appelle. Et là, on vous le dit, là. Ça se peut que vous entendiez parler un petit peu au pas début. Pas se poser. OK. Tania, c'est Jamie Oliver. Le gars, il est préparé. My name is Jamie Oliver. I'm here to say I want to talk about Food Revolution Day. Half the world is starving with too little to eat, and the other half die from being obese. How people live the longest as they grow and they cook. Learn recipes from your parents or books. If you haven't got a clue about the mess that we're in, the answer lies here in the words that we sing. Revolution. Feed the kids right through their stomach and mind. They deserve a better future, but some people are blind. Revolution. Educate the nation with a song and a vision. Revolution. Come on, everybody, do the right thing. Sign the petition. People in charge aren't getting it right. Politicians don't know, and now they need to shed light. Don't rely on the government to fix this plight. No country in the world has ever won this fight. We're the only ones who can save our lives. Click the link below for the petition to sign. It doesn't take time, so you need to just bear it. Do the right thing. Sign it. Share it. Revolution. We need to feed the kids right for their stomachs and their minds. Revolution. They deserve a better future, but some people are blind. It's a revolution. Educate the nations with a song and a vision. Revolution. Come on, everybody, do the right thing. Sign the petition. Yeah, we all have a friend. Someone who's there from the start to the end. Someone who's there through the good times and the worst of it too. And guess what, that person is you. So from now on you wake up, first thing you do, make yourself a promise that you'll eat better food. We better do what we can. It's better reach somebody. Why? 'Cause you only get one body. Don't give up a day job, Jamie. Yeah. Yeah, I'm only joking, man. Come on, baby. It's all for a good cause. We need a revolution, not devolution. Think of bad nutrition. This is a revolution, people, can you see? Come on now. Jamie Oliver avec Food Revolution Day. Sa pièce musicale, je la trouvais bonne. Je trouvais le beat excellent. Parler du dernier gagnant de MasterChef Australie en 2014, qui était Brent Owens, qui a gagné 250 000 $. Non seulement il gagne ça, il gagne une Alfa Romeo, bien évidemment. C'est quoi ça, une Alfa Romeo? C'est une voiture. OK, d'accord. qui vaut très cher. Tout le monde sait ça. Ainsi que, il écrive un livre par la suite. Okay. Il est devenu chef, mais au moment où il a gagné MasterChef Australie, il a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de MasterChef. Il a pris la moitié de son gain et l'a donné à la fille qui est arrivée en deuxième position. Ben voyons position. Donc, c'était à l'émission de faire ça, pas à lui. Non, mais on s'entend-tu, la fille, elle avait 19 ans. Ouais. Elle avait gagné tous les défis pendant toute la saison. Lui, est arrivé, il était quand même assez constant, mais il manquait un petit quelque chose. Et à la dernière semaine, durant tous les défis, il a vraiment là, détrôné tout le monde. Mais il trouvait ça très important de donner à Laura, la fille qui est arrivée en deuxième position, la moitié de ses gains. Et c'est vraiment, vraiment nice parce qu'elle, à cause de ça, elle a réussi à faire des études En nourriture, en cuisine, oui. Voilà. Ah, c'est cool. Oui, on lui lève notre chapeau à ce cher Brent. Chapeau de chef. Tu sais, bien évidemment, après ça, tu sais, il se passe quoi pour la plupart de ces gens-là qui gagnent? Mais comme je le disais tantôt, la plupart vont faire un cours en cuisine, vont ouvrir un restaurant parce que la spécialité de certains n'est pas nécessairement la même pour tout le monde. Donc, du moment que tu as l'opportunité de pouvoir faire un cours dans ce que tu veux faire et ouvrir un restaurant comme tu le désires, bien là, quand tu as l'argent et comme je voudrais dire le pouvoir, mettons, ouais. parce que bien évidemment, après avoir gagné, tout le monde est après toi, bien, c'est vraiment merveilleux. J'ai l'air d'être le prochain Gordon Ramsay, non pas le prochain Guy Fieri, parce que si quelqu'un qui me tape ses nerfs, c'est bien Guy Fieri. Mettons. Douchebag de... Mais tout à l'heure, on parlait de la bouffe qui ressemble beaucoup à de la bouffe de bistrot, puis tout ça. Brent était ce genre de style de cuisinier. Exactement. Puis à la dernière semaine, il l'a vraiment impressionné parce que c'était très, très, très précis ce que les juges demandaient et les défis étaient très demandants, mais il a vraiment tout raflé. Oh, cool! Il l'aimait bien. Merci, Tania. Hey, merci, Mathieu. Des émissions de Casa. Oui, moi, honnêtement, mettez juste moi Casa puis Speed Television sur ma TV, je vais être heureuse. Appelez votre câble au distributeur local. Voilà. on fait Tania, je gagne un Tania les matins de semaine. Merci, Tania. Merci, Mathieu. Nous, c'est la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Merci à Pénélope Bergeron-Lavallée qui a participé à l'émission avec son petit segment sur le Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan. C'est pas mal tout pour ça. C'est tout pour la semaine, en fait. Juste deux émissions cette semaine live. On était là, évidemment, début de semaine, mais pré-enregistré. On est de retour lundi entre 6h30 et 9h30. Il y aura Catherine Langlois qui va être là à 9h pour sa chronique sur le plein air. Soyez-y lundi. Sinon, sur nos ondes aujourd'hui, il y a le dîner de con avec Danny Janvier à partir de 11h. Ensuite de ça, la rediffusion du Mathieu Plante Show d'hier. À 17h, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron. Et puis à 19h, c'est Très Blues Assez Fou, l'émission de blues qui recommence. C'est bien le cas? Oui, ce soir. Voilà, donc c'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci Tania Baudin. Et merci Mathieu Plante. Merci au Risque du Plasmique pour le thème d'aujourd'hui. Il y en aura un autre lundi. Soyez-y. Bonne journée, bonne fin de semaine. Bye. On se fait avec Downtown the Magical Clouds. Salut.